se voyait. Et de ma fenêtre, timidement, je lui parlais. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, je t'aime. La, la, la, la. On s'était juré de ne jamais se séparer. Je t'aime. Je n'avais rien dit à mes bons copains du lycée. Au contraire, j'essayais à l'école de m'appliquer. Pour que devenu grand, je puisse enfin l'épouser. Isabelle, Isabelle, Isabelle, je t'aime.